Pendant qu'à Gibeah, personne ne voulait recevoir ces Lévites, malgré qu'ils vivaient dans les concubinages, mais nous voyons qu'il y a un vieillard qui était hospitalier, qui avait la compassion, qui avait l'amour de Dieu, qui va dire, je ne peux pas vous laisser dormir au dehors. Il les fait entrer chez lui. Lisons ce passage. Écoutez ce que le texte dit. Verset 16. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibeah et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux, vit les voyageurs sur la place de la ville et le vieillard lui dit, où vas-tu? D'où viens-tu? Et lorsqu'il a répondu, écoutez ce qu'il est dit au verset 20. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins et tu ne passeras pas la nuit sur place. Vous voyez un homme hospitalier. Il voit quelqu'un, un étranger passer. Il dit, je veux te recevoir chez moi. Mais avant de le recevoir, il lui pose d'abord la question pour connaître son identité. Parce que nous ne devons pas exercer l'hospitalité dans la naïveté. Il faut connaître qui est celui que tu accueilles chez toi. Parce qu'il y a des gens qui abusent de l'hospitalité. Après avoir compris l'identité de cet homme, il était un homme de Dieu, un lévite, qui vivant dans la compromission, il a trouvé que c'est quelqu'un qu'il pouvait recevoir chez lui. Et il a exercé toutes les lois de l'hospitalité. Le verset 21 dit, « Et il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes, les voyageurs se lavèrent les pieds, c'était la coutume, puis ils mangèrent et burent. » Deuxième vérité, faisons attention à la corruption morale qui caractérise notre société aujourd'hui. Il y a la dépravation, il y a des choses, des pratiques sexuelles qui n'ont pas commencé aujourd'hui depuis les temps anciens. Des pratiques telles que l'homosexualité sont des choses condamnées par la Bible, par la parole de Dieu. Nous savons déjà au temps de Sodome et Gomorre ce qui s'est passé lorsque les hommes envoyés par Dieu pour sauver Lot sont venus. Les habitants de Sodome et de Gomorre, ils voulaient les connaître, c'est-à-dire ils voulaient pratiquer l'homosexualité. Et c'est la même chose encore ici. Il y avait les gens pervers, les gens de rien du tout, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons faire attention. Éduquons la population. Nous devons mettre les gens à l'école. Il y a les hommes pervers et dangereux, ce qu'on appelle les enfants de la rue, les délinquants. Ce sont ces personnes qui sont à la base de beaucoup d'actes aujourd'hui, aux actes de vandalisme. Non seulement eux, mais d'autres personnes aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils connaissent la dépravation, ils se livrent à toutes sortes d'actes. Et ce sont des actes que nous devons condamner, que nous devons dévoiler, que nous devons dénoncer. Il est dit ici au verset 22, « Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, les gens pervers, les hommes de la ville, les gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Les hommes qui veulent connaître un autre homme, ce sont des choses abominables. La sodomie, l'homosexualité, bien-aimé. Regardons aujourd'hui comment, même dans l'église, les gens commencent à tolérer ces pratiques-là. Que la Bible condamne. Le Créateur n'a jamais créé un homme pour qu'il puisse connaître un autre homme, pour qu'il puisse épouser un autre homme. C'est nous. La parole de Dieu nous dit cela. Mais ce sont des pratiques ignobles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous préoccuper que ces choses n'envahissent pas notre société aujourd'hui et que l'Église joue son rôle d'être colonne de la vérité. C'est de la terre lumière du monde. Ce papa, ce vieillard va dire non, il va refuser de livrer cet homme. Et en lieu et place de cet homme, il va même tolérer que ces gens puissent venir connaître la concubine de l'autre. Vous voyez la dépravation des mœurs. Bien-aimés, prions pour que réellement les gens puissent repentir de toutes ces pratiques. Troisième vérité, ce que nous sémons, nous le moissonnons. Nous voyons la fin triste de cette concubine du Lévite. C'est elle qui fut violée. Mais n'oublions pas que c'est elle-même qui a commencé à se livrer à la prostitution parce qu'elle a quitté la maison du Lévite pour aller se méconduire. Quand tu commences à te méconduire sexuellement, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et vous voyez comment elle a mal fini sa vie. Donc en fait, elle n'a fait que récolter ce qu'elle a semé. Parce qu'on l'a violée et dans ce viol-là, elle a connu la mort. Le texte dit, verset 26, vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Et nous voyons encore comment elle a fini sa vie. On dit, ce mari après l'avoir transporté, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Évidemment, aujourd'hui, lorsque nous lisons ça, nous voyons que c'est une cruauté, c'est ignoble. Mais lorsque nous lisons bien les textes, nous allons voir la préoccupation de ces Lévites. Ils voulaient donner une leçon à tout Israël qui vivait dans une vie vraiment d'irrégularité. C'était pour attirer l'attention des enfants d'Israël, pour dire « Revenons à l'Éternel, nous avons abandonné l'Éternel ». C'était sa préoccupation. C'est pourquoi il a découpé le corps en 12 morceaux pour que tous les enfants d'Israël soient sensibilisés en disant « Nous avons abandonné l'Éternel, venons à l'Éternel ». Parce qu'il vivait une période de dépravation, il n'y avait pas de roi en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que Dieu nous aide à abandonner ces choses et à revenir à lui. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. Le roi immortel, à Gloire au Seigneur, il est notre Dieu, il mérite la gloire, il mérite la louange. Nous allons élever nos voix pour lui dire merci, lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui nous soutient jour après jour. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui nous gardes, qui nous protèges et qui nous soutiens jour après jour. Nous bénissons ton nom, ô notre Père, notre Seigneur, toi le Père d'amour, toi qui nous accueilles favorablement et qui pourvois à tous nos besoins. Oh merci, notre Seigneur, notre Dieu, sois béni, toi qui nous as envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Oui, tu es celui qui nous pardonne et qui nous préserve du mal jour après jour. Oh, nous te bénissons pour cela. Nous t'élevons et nous te magnifions. Toi, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous soutient. Oh, merci Seigneur. Toi, le Dieu qui nous garde du malin. Sois magnifié. Toi, notre seul soutien, notre bouclier, notre appui et notre victoire. Nous t'élevons dans nos vies et nous t'élevons dans nos maisons. Nous te glorifions, toi le seul vrai Dieu, le seul digne d'être glorifié et élevé. Oh, reçois l'honneur et la magnificence au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que l'émission que vous suivez s'appelle OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures, temps universel. Mais vous pouvez prier aussi à partir de notre site web, parce que cette émission est rediffusée sur notre site web. Vous pouvez consulter notre site www.radiofréquencevie.com. Je reprends, www.radiofréquencevie.com. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges, chapitre 19, verset 16 à 30. Ce passage nous montre l'importance de l'hospitalité. Pendant qu'à Gibeah, personne ne pouvait accueillir ses lévites et sa délégation, il y a un vieillard qui était épris, un homme de paix, un homme hospitalier qui a dit « Je vais vous recueillir chez moi ». il a pris soin d'eux. Prions pour que aujourd'hui encore, Dieu nous donne cet esprit d'hospitalité et que nous puissions accueillir même les réfugiés, les étrangers, les gens que le Seigneur peut envoyer chez nous. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions et nous te magnifions. Père éternel, lorsque nous étions encore pécheurs, tu as manifesté ton amour pour nous en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place. Ce matin, ô Père éternel, nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous exprimons notre reconnaissance pour ton hospitalité, pour nous avoir accueillis lorsque nous étions perdus. C'est pourquoi ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tu fasses manifester cet esprit d'hospitalité en notre sein. Que l'esprit d'hospitalité fasse partie de notre propre être, au nom puissant de Jésus. Par ton Esprit Saint, ô Père, fais en sorte que nous puissions accueillir avec sympathie, avec joie, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont rejetés, manifestant ainsi les vertus que tu attends de nous. Que toute hospitalité soit vue en notre sein, au sein de notre communauté, dans notre lieu de résidence, dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Père éternel, pour la grâce que tu maintiens en nous, pour la paix que tu maintiens en nous, et pour l'esprit de solidarité que tu manifestes en nous chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel. Merci, merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour cette force que tu nous donnes. Merci pour cette vertu d'hospitalité que tu donnes à chacun d'entre nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir les actes de corruption de la société, l'immoralité, l'homosexualité, bien-aimé. Les gens pervers sont venus pour chercher à connaître cet homme. Bien-aimé, aujourd'hui encore, nous voyons de plus en plus comment l'homosexualité et tout acte de dépravation sexuelle est toléré de plus en plus dans notre société et même par l'Église. Demandons pardon au Seigneur, implorons la grâce divine et que aujourd'hui l'Église se réveille, que notre société se réveille et que même les autorités, les législateurs ne puissent pas accepter, ne puissent pas tolérer que ces lois soient votées parce qu'elles sont contraires aux lois divines, aux lois du Créateur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin pour ce sujet de prière. Notre Dieu, notre Père, nous savons que ta parole est vraie. À travers elle, tu nous révèles des choses cachées. Tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous éduques. Tu nous donnes la foi, elle nous donne la crainte de Dieu. À travers elle, il y a plusieurs normes qui doivent être respectées. Sois béni, soit glorifié. Malgré toutes ces choses, tous ces tares, tous ces péchés, toutes ces abominations, toutes ces choses qui souillent, ô notre Dieu, le monde entier, qui souille l'Église, qui souille notre Dieu, notre Père, la vie chrétienne, l'homosexualité, la dépravation sexuelle. Ô Seigneur, combien de fois tous nous avons peur, nous nous taisons et nous avons peur de parler. Merci ce matin. Nous voulons nous agenouiller devant toi. Nous nous identifions à tout ce qui se fait pour te demander pardon, pour te supplier, pour t'implorer, pour dire que nous avons péché contre toi. Nous t'avons désobéi, nous avons dévié et nous nous comportons comme des animaux. Nous crions vers toi, que ta colère s'éloigne de l'Église, que ta colère s'éloigne de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Viens au secours, que le sang de Christ nous lave et nous purifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les conséquences de la prostitution. Cette femme concubine a été infidèle à son mari. Elle a mal fini sa vie. Elle a été violée. Bien-aimée dans le Seigneur, ce que nous sémons, nous le moissonnerons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à éviter tout acte de dépravation. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de son nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu vois que tu as la faiblesse sur le plan sexuel, tu tombes souvent dans l'immoralité. Oh, que le Seigneur t'aide à te relever et que tu puisses prier pour que cet esprit soit loin de ta vie, soit loin de ta maison, de ta famille, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Béni sois-tu le Saint d'Israël, le Dieu qu'invoquent les anges jour et nuit dans les cieux et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Tu sais, ô Père, qui nous sommes, tu nous connais partout, en tout temps et en tout lieu. Nous ne pouvons nous cacher devant ta face. C'est pour cela ce matin, je voudrais venir à toi humblement, pour m'associer, prier et te recommander. Toutes les personnes qui vivent dans la dépravation sexuelle, qui commettent l'inceste, qui succombent devant la tentation de la sexualité, à toutes les personnes qui n'arrivent pas à se contenir et en cachette, commettent l'adultère, l'impudicité, qui vivent dans la masturbation et toute forme de dépravation sexuelle. Père, ce matin, aie pitié de toutes ces personnes. Sanctifie-les. Je prie que tu leur donnes le courage. Tu leur donnes la force de dire non, de s'opposer aux œuvres de la chair. Éternel, étends ta main et fais-les sortir. Certains se demandent comment sortir de l'adultère, comment sortir de l'impudicité, comment sortir de ces pensées malsaines. Éternel, je prie que ce matin, tu envoies ton esprit, ton onction, pour briser le joug de ce péché, le joug de cette pensée, de cette activité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et fortifie tes enfants. Aie pitié, sanctifie-les, purifie-les, attire-les. Ô Dieu, ramène-les à toi afin qu'ils se répandent. Selon ta parole qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Seigneur, que ce matin, tu leur donnes d'obtenir miséricorde devant ta face et que tes enfants, maintenant, vivent dans la sanctification, vivent dans la sainteté, vivent dans la vérité. Merci et merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain.